Neuvième chapitre. Personne dans la ville assiégée ne s'était douté que la moitié des Zaporogues eût levé le camp pour se mettre à la poursuite des Tatars. Du haut du beffroi de l'hôtel de ville, les sentinelles avaient seulement vu disparaître une partie des bagages derrière les bois voisins, mais ils avaient pensé que les Cosaques se préparaient à dresser une embuscade. L'ingénieur français était du même avis. Cependant, les paroles du Kochevoy n'avaient pas été vaines. La disette se faisait de nouveau sentir parmi les habitants. Selon l'usage des temps passés, la garnison n'avait pas calculé ce qu'il lui fallait de vivres. On avait essayé de faire une nouvelle sortie, mais la moitié de ces audacieux était tombée sous les coups des Cosaques, et l'autre moitié avait été refoulée dans la ville sans avoir réussi. Néanmoins, les Juifs avaient mis à profit la sortie. Ils avaient flairé et dépisté tout ce qu'il leur importait d'apprendre, à savoir pourquoi les Zaporogues étaient partis et vers quel endroit ils se dirigeaient, avec quel chef, avec quel Kourani, combien étaient partis, combien étaient restés et ce qu'ils pensaient faire. En un mot, au bout de quelques minutes, on savait tout dans la ville. Les colonels reprirent courage et se préparèrent à livrer bataille. Taras devinait leurs préparatifs au mouvement et au bruit qui se faisait dans la place. Il se préparait de son côté. Il rangeait ses troupes, donnait des ordres, divisait les Kourani en trois corps et les entourait de bagages comme d'un rempart, espèce de combat où les Zaporogues étaient invincibles. Il ordonna à deux Kourani de se mettre en embuscade. Il couvrit une partie de la plaine de pieux aigus, de débris d'armes, de tronçons de lances, afin qu'à l'occasion il pût y jeter la cavalerie ennemie. Quand tout fut ainsi disposé, il fit un discours aux Cosaques, non pour les ranimer et leur donner du courage, il les savait fermes de cœur, mais parce que lui-même avait besoin d'épancher le sien. « J'ai envie de vous dire, mes seigneurs, ce qu'est notre fraternité. Vous avez appris de vos pères et de vos aïeux en quel honneur ils tenaient tous notre terre. Elle s'est fait connaître aux Grecs, elle a pris des pièces d'or à Tsargrad, ville impériale, Byzance. Elle a eu des villes somptueuses et des temples et des kniazes, princes, des kniazes de sang russe et des kniazes de son sang. » Mais non pas de catholiques hérétiques. Les païens ont tout pris, tout est perdu. Nous seuls sommes restés. Mais orphelins et comme une veuve qui a perdu un puissant époux, de même que nous, notre terre est restée orpheline. Voilà dans quel temps, compagnons, nous nous sommes donné la main en signe de fraternité. Voilà sur quoi se base notre fraternité. Il n'y a pas de lien plus sacré que celui de la fraternité. Le père aime son enfant, la mère aime son enfant, l'enfant aime son père et sa mère. Mais qu'est-ce que cela, frère? La bête féroce aime aussi son enfant. Mais sa parenté par la parenté de l'âme, non par celle du sang, voilà ce que peut l'homme seul. Il sait rencontrer des compagnons sur d'autres terres. Mais des compagnons comme sur la terre russe, nulle part. Il est arrivé, non à l'un de vous, mais à plusieurs, de s'égarer en terre étrangère. Eh bien, vous l'avez vu, là aussi il y a des hommes, là aussi des créatures de Dieu, et vous leur parlez comme à l'un d'entre vous. Mais quand on vient au point de dire un mot parti du cœur, vous l'avez vu, ce sont des hommes d'esprit, et pourtant ils ne sont pas des vôtres. Ce sont des hommes, mais pas les mêmes hommes. Non, frère, aimez comme aime un cœur russe, aimez non par l'esprit seulement, mais par tout ce que Dieu a donné à l'homme, par tout ce qu'il y a en vous. Ah ! Dit Taras avec son geste de décision, en secouant sa tête grise et relevant le coin de sa moustache. Non, personne ne peut aimer ainsi. Je sais que maintenant de lâches coutumes se sont introduites dans notre terre. Ils ne songent qu'à leurs meules de blé, à leurs tas de foin, à leurs troupeaux de chevaux. Ils ne veillent qu'à ce que leur hydromel cacheté se conserve bien dans leur cave. Ils imitent le diable sait quels usages païens. Ils ont honte de leur langage. Le frère ne veut pas parler avec son frère. Le frère vend son frère comme on vend au marché un être sans âme. La faveur d'un roi étranger, pas même d'un roi, la pauvre faveur d'un magnat polonais qui, de sa botte jaune, leur donne des coups sur le museau, leur est plus chère que toute fraternité. Mais chez le dernier des lâches, se fût-il souillé de boue et de servilité, chez celui-là, frère, il y a encore un grain de sentiment russe. Et un jour, il se réveillera et il frappera le malheureux des deux poings sur les basques de son juste corps. Il se prendra la tête des deux mains et il maudira sa lâche existence, prêt à racheter par le supplice une ignoble vie. Qu'ils sachent donc tous ce que signifie sur la terre russe la fraternité. Et si le moment est déjà venu de mourir, certes aucun d'eux ne mourra comme nous, aucun d'eux, aucun. Ce n'est pas donné à leur nature de souris. Ainsi parlait l'ataman, et son discours fini, il secouait encore sa tête qui s'était argentée dans des exploits de cosaque. Tous ceux qui l'écoutaient furent vivement émus par ce discours qui pénétra jusqu'au fond des cœurs. Les plus anciens dans les rangs demeurèrent immobiles, inclinant leur tête grise vers la terre. Une larme brillait sous les vieilles paupières. Ils l'essuyèrent lentement avec la manche, et tous, comme s'ils se fussent donné le mot, firent à la fois leur geste d'usage pour exprimer un parti pris et secouèrent résolument leur tête chargée d'années. Taras avait touché juste. Le geste d'usage, non seulement ce geste a son nom particulier, mais on en a formé le verbe, l'adverbe, l'adjectif, etc. Déjà l'on voyait sortir de la ville l'armée ennemie, faisant sonner les trompettes et les clairons, ainsi que les seigneurs polonais, la main sur la hanche, entourés de nombreux serviteurs. Le gros colonel donnait des ordres. Ils s'avancèrent rapidement sur les cosaques, les menaçant de leurs regards et de leurs mousquets, abrités sous leurs brillantes cuirasses d'airain. Dès que les cosaques virent qu'ils s'étaient avancés à portée, tous déchargèrent leurs longs mousquets de 6 pieds et continuèrent à tirer sans interruption. Le bruit de leur décharge s'étendit au loin dans les plaines environnantes comme un roulement continu. Le champ de bataille était couvert de fumée et les aporogues tiraient toujours sans relâche. Ceux des derniers rangs se bornaient à charger les armes qu'ils tendaient aux plus avancés, étonnant l'ennemi qui ne pouvait comprendre comment les cosaques tiraient sans recharger leurs mousquets. Dans les flots de fumée grise qui enveloppaient l'une et l'autre armée, on ne voyait plus comment tantôt l'un tantôt l'autre manquait dans les rangs. Mais les Polonais surtout sentaient que les balles pleuvaient épaisses, et lorsqu'ils reculèrent pour sortir des nuages de fumée et pour se reconnaître, ils virent bien des vides dans leurs escadrons. Chez les Cosaques, 3 hommes au plus avaient péri, et ils continuaient incessamment leur feu de mousqueterie. L'ingénieur étranger s'étonna lui-même de cette tactique qu'il n'avait jamais vue employée, et il dit à haute voix « Ce sont des braves, les aporogues. Voilà comment il faut se battre dans tous les pays. » Il donna le conseil de diriger les canons sur le camp fortifié des Cosaques. Les canons de bronze rugirent sourdement par leur large gueule. La terre trembla au loin, et toute la plaine fut encore noyée sous des flots de fumée. L'odeur de la poudre s'étendit sur les places et dans les rues des villes voisines et lointaines. Mais les canonniers avaient pointé trop haut. Les boulets rougis décrivirent une courbe trop grande. Ils volèrent en sifflant par-dessus la tête des Cosaques et s'enfoncèrent profondément dans le sol en labourant au loin la terre noire. À la vue d'une pareille maladresse, l'ingénieur français se prit par les cheveux et pointa lui-même les canons, quoique les Cosaques fissent pleuvoir les balles sans relâche. Taras avait vu de loin le péril qui menaçait les Kourénis de Nezamaïkov et de Steblikov, et s'était écrié de toute sa voix « Quittez vite, quittez les chariots et que chacun monte à cheval !» Mais les Cosaques n'auraient eu le temps d'exécuter ni l'un ni l'autre de ses ordres si Ostap ne s'était porté droit sur le centre de l'ennemi. Il arracha les mèches aux mains de 6 canonniers, à 4 autres seulement il ne put les prendre. Les Polonais le refoulèrent. Alors l'officier étranger prit lui-même une mèche pour mettre le feu à un canon énorme, tel que les Cosaques n'en avaient jamais vu. Il ouvrait une large gueule béante par laquelle regardaient 1000 morts. Lorsqu'il tonna, et 3 autres après lui, qui de leur quadruple coup ébranlèrent sourdement la terre, ils firent un mal affreux. Plus d'une vieille mère cosaque pleurera son fils et se frappera la poitrine de ses mains osseuses. Il y aura plus d'une veuve à Gloukov, Nemirov, Tchernikov et autres villes. Elle courra, la veuve éplorée, tous les jours au bazar. Elle se cramponnera à tous les passants, les regardant aux yeux pour voir s'il ne se trouvera pas parmi eux le plus cher des hommes. Mais il passera par la ville bien des troupes de toute espèce, sans que jamais il se trouve parmi elles le plus cher de tous les hommes. La moitié du Kouren de Nezamaïkov n'existait plus. Comme la grêle abat tout un champ de blé, où chaque épice balance semblable à un ducat de poids, ainsi le canon balaye et couche les rangs cosaques. En revanche, comme les cosaques s'élancèrent, comme tous se ruèrent sur l'ennemi, comme l'attamant Koukoubenko bouillonna de rage quand il vit que la moitié de son couren n'existait plus. Il entra avec les restes des gens de Nezamaïkov au centre même des rangs ennemis, hacha comme du chou dans sa fureur le premier qui se trouva sous sa main, désarma plusieurs cavaliers, frappant de sa lance homme et cheval, parvint jusqu'à la batterie et s'empara d'un canon. Il regarde, et déjà l'attamant du Kouren Douman l'a précédé, et Stepan Gouska a pris la pièce principale. Leur cédant alors la place, il se tourne avec les siens contre une autre masse d'ennemis. Où les gens de Nezamaïkov ont passé, il y a une rue. Où ils tournent, un carrefour. On voyait s'éclaircir les rangs ennemis, et les Polonais tomber comme des gerbes. Près des chariots même se tient Vovtusenko, devant lui Tcherevitchenko, au-delà des chariots, Dektarenko, et derrière lui l'attamant du Kouren, Vertigvist. Déjà Dektarenko a soulevé 2 Polonais sur sa lance, mais il en rencontre un 3e, moins facile à vaincre. Le Polonais était souple et fort et magnifiquement équipé. Il avait amené à sa suite plus de 50 serviteurs. Il fit plier Dektarenko, le jeta par terre et, levant son sabre sur lui, s'écria « Il n'y a pas un seul de vous, chien de cosaque, qui osa me résister. »« Si, pourtant, il y en a !» dit Mosichilo, et il s'avança. C'était un fort cosaque qui avait plus d'une fois commandé sur mer et passé par bien des épreuves. Les Turcs l'avaient pris avec toute sa troupe à Trébizonde et les avaient tous emmenés sur leurs galères, les fers aux pieds et aux mains, les privant de riz pendant des semaines entières et leur faisant boire l'eau salée. Les pauvres gens avaient tout souffert, tout supporté, plutôt que de renier leur religion orthodoxe. Mais l'attamant Mosichilo n'eut pas le courage de souffrir. Il foula aux pieds la sainte loi, entoura d'un ruban odieux sa tête pécheresse, entra dans la confiance du pacha, devint magasinier du vaisseau et chef de la chiourme. Cela fit une grande peine aux pauvres prisonniers. Ils savaient que si l'un des leurs vendait sa religion et passait au parti des oppresseurs, il était plus pénible et plus amer d'être sous sa main. C'est ce qui arriva. Mosichilo leur mit à tous de nouveaux fers, en les attachant 3 à 3, les lia de cordes jusqu'aux os, les assomma de coups sur la nuque. Et lorsque les Turcs, satisfaits d'avoir trouvé un pareil serviteur, commencèrent à se réjouir et s'enivrèrent sans respect pour les lois de leur religion, il apporta les 64 clés des fers aux prisonniers afin qu'ils pussent ouvrir les cadenas, jeter leurs liens à la mer et les échanger contre des sabres pour frapper les Turcs. Les Cosaques firent un grand butin et revinrent glorieusement dans leur patrie où, pendant longtemps, les joueurs de Bandoura glorifièrent Mosichilo. On l'eût bien élu Kochevoy, mais c'était un étrange Cosaque. Quelquefois, il faisait une action que le plus sage n'aurait pas imaginée. D'autres fois, il tombait dans une incroyable bêtise. Il but et dissipa tout ce qu'il avait acquis, s'endetta près de tous à la Setch, et pour combler la mesure, il se glissa la nuit. Comme un voleur des rues dans un couren étranger, enleva tous les harnais et les mit en gage chez le cabaretier. Pour une action si honteuse, on l'attacha à un poteau sur la place du bazar, et l'on mit près de lui un gros bâton afin que chacun, selon la mesure de ses forces, pût lui en asséner un coup. Mais parmi les aporogues, il ne se trouva pas un seul homme qui leva le bâton sur lui, se souvenant des services qu'il avait rendus. Tel était le Cosaque Mosichilo. « Si, pourtant, il y en a un pour vous rosser, chien !» dit-il en s'élançant sur le Polonais. Aussi, comme ils se battirent, cuirasse et brassard se plièrent sous leurs coups à tous deux. Le Polonais lui déchira sa chemise de fer et lui atteignit le corps de son sabre. La chemise du Cosaque rougit, mais Chilo n'y fit nulle attention. Il leva sa main, elle était lourde, sa main noueuse, et il étourdit son adversaire d'un coup sur la tête. Son casque de bronze vola en éclats. Le Polonais chancela et tomba de la selle, et Chilo se mit à sabrer en croix l'ennemi renversé. « Cosaque, ne perds pas ton temps à l'achever, mais retourne-toi plutôt !» Il ne se retourna point, le Cosaque. Et l'un des serviteurs du vaincu le frappa de son couteau dans le cou. Chilo fit volte-face, et déjà il atteignait l'audacieux, mais celui-ci disparut dans la fumée de la poudre. De tous côtés résonnait un bruit de mousqueterie. Chilo chancela et sentit que sa blessure était mortelle. Il tomba, mit la main sur la plaie, et se tournant vers ses compagnons, « Adieu, seigneur frère, camarade, dit-il. Que la terre russe orthodoxe reste debout pour l'éternité et qu'il lui soit rendu un honneur éternel. » Il ferma ses yeux éteints et son âme cosaque quitta sa farouche enveloppe. Déjà Zadorojny s'avançait à cheval et l'attaman de Kouren Vertigvist et Balaban s'avançaient aussi. « Dites-moi, seigneur, s'écria Taras en s'adressant aux attamans des Koureni. Y a-t-il encore de la poudre dans les poudrières? La force cosaque ne s'est-elle pas affaiblie? Les nôtres ne plient-ils pas encore? Père, il y a encore de la poudre dans les poudrières. La force cosaque n'est pas affaiblie et les nôtres ne plient pas encore. » Et les cosaques firent une vigoureuse attaque. Ils rompirent les rangs ennemis. Le petit colonel fit sonner la retraite et hisser 8 drapeaux peints pour rassembler les siens qui s'étaient dispersés dans la plaine. Tous les Polonais accoururent au drapeau, mais ils n'avaient pas encore reformé leur rang que déjà l'attaman Koukoubenko faisait avec ses gens de Nezamaïkov une charge en plein centre et tombait sur le colonel ventru. Le colonel ne soutint pas le choc et, tournant son cheval, il s'enfuit à toute bride. Koukoubenko le poursuivit longtemps à travers champs sans le laisser rejoindre les siens. Voyant cela du couren voisin, Stepan Guska se mit de la partie, son arcan à la main. Courbant la tête sur le cou de son cheval et saisissant l'instant favorable, il lui jeta du premier coup son arcan à la gorge. Le colonel devint tout rouge et saisit la corde des deux mains en s'efforçant de la rompre. Mais déjà un coup puissant lui avait enfoncé dans sa large poitrine la lame meurtrière. Guska, toutefois, n'aura pas longtemps à se réjouir. Les Cosaques se retournaient à peine que déjà Guska était soulevé sur 4 pics. Le pauvre attaman n'eut que le temps de dire « Périssent tous les ennemis et que la terre russe se réjouisse dans la gloire pendant des siècles éternels !» Et il exhala le dernier soupir. Les Cosaques tournèrent la tête. Et déjà, d'un côté, le Cosaque Metelidza faisait fête aux Polonais en assommant tantôt l'un, tantôt l'autre. Et d'un autre côté, l'Ataman Nevelitchki s'élançait à la tête des siens. Près d'un carré de chariot, Zakrotiguba retourne l'ennemi comme du foin et le repousse, tandis que, devant un carré plus éloigné, le troisième Pizarenko a refoulé une troupe entière de Polonais, et près du troisième carré, les combattants se sont saisis à bras-le-corps et luttent sur les chariots mêmes. « Dites-moi, seigneur, » s'écria l'Ataman Taras en s'avançant au-devant des chefs, « y a-t-il encore de la poudre dans les poudrières ? La force cosaque n'est-elle pas affaiblie ? Les cosaques ne commencent-ils pas à plier ? Père, il y a encore de la poudre dans les poudrières. La force cosaque n'est pas affaiblie. Les cosaques ne plient pas encore. » Déjà Bovdoug est tombé du haut d'un chariot. Une balle l'a frappé sous le cœur. Mais rassemblant toute sa vieille âme, il dit « Je n'ai pas de peine à quitter le monde. Dieu veuille donner à chacun une fin pareille et que la terre russe soit glorifiée jusqu'à la fin des siècles. » Et l'âme de Bovdoug s'éleva dans les hauteurs pour aller raconter aux vieillards morts depuis longtemps comment on sait combattre sur la terre russe, et mieux encore comment on y sait mourir pour la sainte religion. Bientôt après tomba aussi Balaban, Ataman de Kourène. Il avait reçu 3 blessures mortelles de balles, de lances et d'un lourd sabre droit. Et c'était un des plus vaillants cosaques. Il avait fait comme Ataman une foule d'expéditions maritimes, dont la plus glorieuse fut celle des rivages d'Anatolie. Ces gens avaient ramassé beaucoup de sequins, d'étoffes de Damas et de riches butins turcs, mais ils essuyèrent des grands revers à leur retour. Les malheureux durent passer sous les boulets turcs. Quand le vaisseau ennemi fit feu de toutes ses pièces, une moitié de leur bateau sombra en tournoyant. Il périt dans les eaux plus d'un cosaque, mais les bottes de jonc attachées au flanc des bateaux les sauvèrent d'une commune noyade. Pendant toute la nuit, les cosaques enlevèrent l'eau des barques submergées avec des pelles creuses et leurs bonnets en réparant les avaries. De leurs larges pantalons cosaques, ils firent des voiles et, filant avec promptitude, ils échappèrent au plus rapide des vaisseaux turcs. Et c'était peu qu'ils fussent arrivés sains et saufs à la Sèche. Ils rapportèrent une chasuble brodée d'or à l'archimandrite du couvent de Medjugorje à Kiev et des ornements d'argent pur pour l'image de la Vierge dans le Zaporojie même. Et longtemps après, les joueurs de bandoura glorifiaient la bile réussite des cosaques. À cette heure, Balaban inclina sa tête, sentant les poignantes approches de la mort, et dit d'une voix faible « Il me semble, seigneur frère, que je meurs d'une bonne mort. J'en ai sabré 7, j'en ai traversé 9 de ma lance. J'en ai suffisamment écrasé sous les pieds de mon cheval, et je ne sais combien j'en ai atteint de mes balles. Fleurisse donc éternellement la terre russe. » Et son âme s'envola. « Cosaque, cosaque, ne livrez pas la fleur de votre armée. Déjà l'ennemi a cerné Koukoubenko. Déjà il ne reste autour de lui que cet homme du Kouren de Nezamaïkov. Et ceux-là se défendent plus qu'il ne leur reste de force. Déjà les vêtements de leur chef sont rougis de son sang. Taras lui-même, voyant le danger qu'il court, s'élance à son aide. Mais les cosaques sont arrivés trop tard. Une lance a pu s'enfoncer sous son cœur avant que l'ennemi qui l'entoure ait été repoussé. Il s'inclina doucement sur les bras des cosaques qui le soutenaient, et son jeune sang jaillit comme une source, semblable à un vin précieux que des serviteurs maladroits apportent de la cave dans un vase de verre et qui le brisent à l'entrée de la salle en glissant sur le parquet. Le vin se répand sur la terre, et le maître du logis accourt, en se prenant la tête dans les mains, lui qui l'avait réservé pour la plus belle occasion de sa vie, afin que, si Dieu la lui donnait, il pût dans sa vieillesse fêter un compagnon de ses jeunes années et se réjouir avec lui au souvenir d'un temps où l'homme savait autrement et mieux se réjouir. Koukoubenko promena son regard autour de lui et murmura « Je remercie Dieu de m'avoir accordé de mourir sous vos yeux, compagnons. Qu'après nous, on vive mieux que nous, et que la terre russe, aimée du Christ, soit éternelle dans sa beauté. » Et sa jeune âme s'envola. Les anges la prirent sous les bras et l'emportèrent aux cieux. Elle sera bien là-bas. « Assieds-toi à ma droite, Koukoubenko, lui dira le Christ. Tu n'as pas trahi la fraternité, tu n'as pas fait d'action honteuse, tu n'as pas abandonné un homme dans le danger, tu as conservé et défendu mon Église. » La mort de Koukoubenko attrista tout le monde. Et cependant, les rangs cosaques s'éclaircissaient à vue d'œil. Beaucoup de braves avaient cessé de vivre, mais les cosaques tenaient bon. « Dites-moi, Seigneur, cria Taras au Kouréni resté debout, y a-t-il encore de la poudre dans les poudrières? Les sabres ne sont-ils pas émoussés? La force cosaque ne s'est-elle pas affaiblie? Les cosaques ne plient-ils pas encore? Père, il y a encore assez de poudre, les sabres sont encore bons, la force cosaque n'est pas affaiblie, les cosaques n'ont pas plié. » Et les cosaques s'élancèrent de nouveau, comme s'ils n'eussent éprouvé aucune perte. Il ne reste plus vivant que 3 atamans de Kouren. Partout coulent des ruisseaux rouges, des ponts s'élèvent, formés de cadavres des cosaques et des polonais. Taras regarda le ciel et vit s'y déployer une longue file de vautours. Ah, quelqu'un donc se réjouira. Déjà là-bas, on a soulevé Metelitsa sur le fer d'une lance. Déjà la tête du second Pizarenko a tournoyé dans l'air en clignant des yeux. Déjà Okrimguska, sabré de haut et en travers, est tombé lourdement. « Soit, » dit Taras en faisant signe de son mouchoir. Ostap comprit le geste de son père et, sortant de son embuscade, chargea vigoureusement la cavalerie polonaise. L'ennemi ne soutint pas la violence du choc, et lui, le poursuivant à outrance, le rejeta sur la place où l'on avait planté des pieux et jonché la terre de tronçons de lances. Les chevaux commencèrent à broncher, à s'abattre, et les polonaises à rouler par-dessus leurs têtes. Dans ce moment, les cosaques de Korsun, qui se tenaient en réserve derrière les chariots, voyant l'ennemi à portée de mousquets, firent une décharge soudaine. Les Polonais, perdant la tête, se mirent en désordre, et les Cosaques reprirent courage. « La victoire est à nous !» crièrent de tous côtés les voix zaporogues. Les clairons sonnèrent, et on hissa le drapeau de la victoire. Les Polonais, défaits, fuyaient en tous sens. « Non, non, la victoire n'est pas encore à nous !» dit Taras, en regardant les portes de la ville. Il avait dit vrai. Les portes de la ville s'étaient ouvertes, et il en sortit un régiment de hussards, la fleur des régiments de cavalerie. Tous les cavaliers montaient des argamaques baies bruns, chevaux persans. En avant des escadrons galopait un chevalier, le plus beau, le plus hardi de tous. Ses cheveux noirs se déroulaient sous son casque de bronze. Son bras était entouré d'une écharpe brodée par les mains de la plus séduisante beauté. Taras demeura stupéfait quand il reconnut Andri, et lui, cependant, enflammé par l'ardeur du combat, avide de mériter le présent qui ornait son bras, se précipita comme un jeune lévrier, le plus beau, le plus rapide et le plus jeune de la meute. « À tout !» Morus, pour exciter les chiens, crie le vieux chasseur, et le lévrier se précipite, lançant ses jambes en droite ligne dans les airs, penché de tout son corps sur le flanc, soulevant la neige de ses ongles et devançant 10 fois le lièvre lui-même dans la chaleur de sa course. Le vieux Taras s'arrête. Il regarde comment Andri s'ouvrait un passage, frappant à droite et à gauche et chassant les cosaques devant lui. Taras perd patience. « Comment ? Les tiens » s'écrie-t-il. « Tu frappes les tiens, fils du diable !» Mais Andri ne voyait pas qui se trouvait devant lui, si c'était les siens ou d'autres. Il ne voyait rien. Il voyait des boucles de cheveux, de longues boucles ondoyantes, une gorge semblable au cygne de la rivière, un cou de neige et de blanches épaules, et tout ce que Dieu créa pour des baisers insensés. « Holà, camarade, attirez-le-moi, attirez-le-moi seulement dans le bois !» cria Taras. Aussitôt se présentèrent 30 des plus rapides cosaques pour attirer Andri vers le bois. Redressant leur haut bonnet, ils lancèrent leurs chevaux pour couper la route aux hussards, prirent en flanc les premiers rangs, les culbutèrent, et les ayant séparés du gros de la troupe, sabrèrent les uns et les autres. Alors Goloko Pitenko frappa Andri sur le dos du plat de son sabre droit, et tous, à l'instant, se mirent à fuir de toute la rapidité cosaque. Comme Andri s'élança, comme son jeune sang bouillonna dans toutes ses veines, enfonçant ses longs éperons dans les flancs de son cheval, il vola à perte d'haleine sur les pas des cosaques, sans se retourner et sans voir qu'une vingtaine d'hommes seulement avaient pu le suivre. Et les cosaques, fuyant de toute la célérité de leurs chevaux, tournaient vers le bois. Andri, lancé ventre à terre, atteignait déjà Goloko Pitenko, lorsque tout à coup une main puissante arrêta son cheval par la bride. Andri tourna la tête. Taras était devant lui. Il trembla de tout son corps et devint pâle comme un écolier surpris en maraude par son maître. La colère d'Andri s'éteignit comme si elle ne se fût jamais allumée. Il ne voyait plus devant lui que son terrible père. « Eh bien, qu'allons-nous faire maintenant ?» dit Taras en le regardant droit entre les deux yeux. Andri ne put rien répondre et resta les yeux baissés vers la terre. « Eh bien, fils, tes Polonais t'ont-ils été d'un grand secours ?» Andri demeurait muet. « Ainsi trahir, vendre la religion, vendre les tiens ! Attends, descends de cheval !» Obéissant comme un enfant docile, Andri descendit de cheval et s'arrêta ni vif ni mort devant Taras. « Reste là et ne bouge plus, c'est moi qui t'ai donné la vie, c'est moi qui te tuerai !» dit Taras, et reculant d'un pas, il ôta son mousquet de dessus son épaule. Andri était pâle comme un linge. On voyait ses lèvres remuer et prononcer un nom. Mais ce n'était pas le nom de sa patrie, ni de sa mère, ni de ses frères. C'était le nom de la belle Polonaise. Taras fit feu. Comme un épi de blé coupé par la faucille, Andri inclina la tête et tomba sur l'herbe sans prononcer un mot. Le meurtrier de son fils, immobile, regarda longtemps le cadavre inanimé. Il était beau même dans la mort. Son visage viril, naguère brillant de force et d'une irrésistible séduction, exprimait encore une merveilleuse beauté. Ses sourcils noirs comme un velours de deuil ombrageaient ses traits pâlis. « Que lui manquait-il pour être un cosaque ? » dit Bulba. « Il était de haute taille, il avait des sourcils noirs, un visage de gentilhomme, et sa main était forte dans le combat, et il a péri, péri sans gloire, comme un chien lâche. « Père, qu'as-tu fait ? C'est toi qui l'as tué ?» dit Ostap qui arrivait en ce moment. Taras fit de la tête un signe affirmatif. Ostap regarda fixement le mort dans les yeux. Il regretta son frère et dit « Père, livrons-le honorablement à la terre, afin que les ennemis ne puissent l'insulter et que les oiseaux de proie n'emportent pas les lambeaux de sa chair. On l'enterrera bien sans nous, » dit Taras, « et il aura des pleureurs et des pleureuses. » Et pendant 2 minutes, il pensa « Faut-il le jeter au loup qui rôde sur la terre humaine ?» ou bien respecter en lui la vaillance du chevalier que chaque brave doit honorer en qui que ce soit. Il regarde et voit Goloko Pitenko galoper vers lui. Malheur, Ataman, les Polonais se sont fortifiés, il leur est venu un renfort de troupes fraîches. Goloko Pitenko n'a pas achevé que Vovtusenko accourt. Malheur, Ataman, encore une force nouvelle qui fond sur nous. Vovtusenko n'a pas achevé que Pizarenko arrive en courant mais sans cheval. Où es-tu, père? Les Cosaques te cherchent. Déjà l'Ataman de Kourenne Velitchke est tué. Zadoroïjni est tué. Tcherevitchenko est tué. Mais les Cosaques tiennent encore. Ils ne veulent pas mourir sans t'avoir vu une dernière fois dans les yeux. Ils veulent que tu les regardes à l'heure de la mort. À cheval, Ostape, dit Taras. Et il se hâta pour trouver encore debout les Cosaques, pour savourer leur vue une dernière fois, et pour qu'ils pussent regarder leur Ataman avant de mourir. Mais il n'était pas sorti du bois avec les siens que les forces ennemies avaient cerné le bois de tous côtés et que partout, à travers les arbres, se montraient des cavaliers armés de sabres et de lances. « Ostape, Ostape, tiens ferme !» s'écria Taras. Et lui-même, tirant son sabre, se mit à écharper les premiers qui lui tombèrent sous la main. Déjà 6 Polonais se sont à la fois rués sur Ostape, mais il paraît qu'ils ont mal choisi le moment. À l'un la tête a sauté des épaules, l'autre a fait la culbute en arrière, le troisième reçoit un coup de lance dans les côtes, le quatrième, plus audacieux, a évité la balle d'Ostape en baissant la tête, et la balle brûlante a frappé le cou de son cheval qui, furieux, se cabre, roule à terre et écrase sous lui son cavalier. « Bien, fils, bien, Ostape !» criait Taras. « Voici que je viens à toi !» Lui-même repoussait les assaillants. Taras multiplie son sabre. Il distribue des cadeaux sur la tête de l'un et sur celle de l'autre. Et regardant toujours Ostape, il le voit luttant corps à corps avec 8 ennemis à la fois. « Ostape, Ostape, tiens ferme !» Mais déjà Ostape a le dessous. Déjà on lui a jeté un arcan autour de la gorge. Déjà on saisit, déjà on garrotte Ostape. « Aïe, Ostape, Ostape !» criait Taras en s'ouvrant un passage vers lui et en hachant comme du chou tout ce qui les séparait. « Aïe, Ostape, Ostape !» Mais en ce moment, il fut frappé comme d'une lourde pierre. Tout tournoya devant ses yeux. Un instant brillèrent mêlés dans son regard des lances, la fumée du canon, les étincelles de la mousqueterie et les branches d'arbres avec leurs feuilles. Il tomba sur la terre comme un chêne abattu, et un épais brouillard couvrit ses yeux.